CKRL. Bonsoir les amateurs de musique et plus particulièrement de musique progressive. Et c'est Jean-François et Bruno qui sont avec vous ce soir pour l'émission Terra Incognita du 3 mai 2014. Et c'est à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. Et aujourd'hui, il sera beaucoup question de la convention Terra Incognita, évidemment, qui aura lieu dans deux semaines, ça s'en vient. C'est le rendez-vous des amateurs de musique progressive et de belle musique tout court, ceux qui ont envie de vivre l'expérience de la musique progressive, pas seulement d'en parler. Et en parlant de convention Terra Incognita, ou plutôt de festival de musique progressive, il sera aussi question du dernier numéro de Progressis, le numéro 76, qui vient de paraître et que j'ai eu il y a quelques jours à peine. Et quand on regarde la programmation, on en a déjà parlé, Flower King, Fabio Zuffanti, et on est chanceux, nous autres aussi, on aura Fabio Zuffanti, et ça sera sûrement une grande fête qui va clôturer les festivités pour le dimanche soir. De leur côté, il y avait The Watch, qu'on a vu à Québec. Dans le cas, eux autres, c'était plus pour Foxtrot, mais pour ce qui est de Québec, ben, c'était plus la tournée Second Out. On écoutera aussi des extraits de l'album qui vient avec. En fait, deux albums. Il y a un disque qui fait le tour des groupes qui étaient à la convention Progressis, qui avait lieu à Soignies les 26 et 27 avril. Et il y a des belles découvertes là-dessus. Mais pour commencer, justement, un extrait de l'album qui vient avec le magazine, c'est Chris. C'est un artiste qu'on connaît bien à Québec parce que c'est le batteur multi-instrumentiste qui fait partie de Sky Architect, un groupe qui nous avait impressionné beaucoup lors de la convention il y a 2 ou 3 ans. Et ce sera suivi de Glass Hammer avec un extrait de Inconsolable Secret qui a été remasterisé. C'est la pièce Long and Long Ago. Sur la version originale, c'était pas John Davison qu'on a vu à Québec, mais un autre chanteur. Et de l'album de Chris, on va entendre Out in the Night. So long, waiting to be found for the day that you'd come. But the flame is dying out. Yeah. Here! Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 12 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, finale de la saison 2013-2014. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 5 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Pantoum affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Et nous sommes de retour pour un deuxième bloc, alors que le premier s'est terminé avec Glasshammer, deux pièces seulement. Glasshammer avec Long and Long Ago, une pièce qui était parue initialement en 2006, mais qui a été remixée et même réenregistrée en partie, c'est pas les mêmes vocaux, en 2013. Donc c'est la version deluxe de l'album The Inconsolable. Il est dur à dire. Et juste avant, c'était Chris, en fait, qui est le batteur de Sky Architect. Et en fait, c'est Christian Bruns. Et dans le dernier numéro de Progressist, il y a eu une interview avec Chris et on apprend qu'il travaille sur une multitude de projets. Et si on regarde son cheminement juste sous son nom, là, depuis 2009, ça y fait 5 albums, ce qui est quand même assez extraordinaire. Si on compte qu'avec Sky Architect, il y en a fait 3 et il y en a beaucoup d'autres dans divers projets. Et comme je le disais tantôt, c'est la convention Terra Incognita qui aura lieu dans 2 semaines, et c'est-à-dire que on parlait de Glasshammer, donc dans 2 semaines juste, on va être en train d'écouter Glasshammer. Mais juste avant, le vendredi, le festival commence par Gadi Kaplan. Et c'est un guitariste israélien et ce monsieur-là a été influencé par Pink Floyd et diverses autres choses. Il a appris très jeune à jouer de la musique et ça va être une petite introduction, on peut être 20 minutes, une demi-heure, je pense, où ce qui va se produire seul à la guitare. Et juste après, l'excellent groupe de Québec, Une Heure Odyssée, qui est déjà passé à l'émission. Et c'est une nouvelle formule, en fait. C'est le leader de Isos, qu'on a parlé beaucoup dernièrement. Et il nous a dit que dans la nouvelle mouture de Une Heure Odyssée, le côté métal, le côté Dream Theater, était en bonne partie évacué. Donc, ils vont présenter un son beaucoup plus progressif, là, des pièces qui l'étaient déjà de toute façon. Et la grande vedette, c'est bien sûr Is pour le vendredi. Le samedi, on commence avec le groupe de Montréal, Néodyme. un très bon band qu'on a hâte d'avoir à Québec là, pour le premier vrai show de Néodyme à Québec. Ensuite, Third Degree et finalement de la Sama, comme je vous l'avais dit. Et pour le dimanche, Sonus Umbra, Unreal City, qui est très attendu, un très bon groupe italien qui a fait sensation l'an dernier. Et la grande vedette, Fabio Zuffanti, qu'on a très très hâte de voir. Et pour notre deuxième bloc, on va commencer avec un groupe que j'aime beaucoup depuis longtemps, c'est-à-dire Renaissance, dont le disque est finalement paru sous le nom de Symphony of Light, même s'il était disponible depuis plusieurs mois, un certain nombre de mois, oui, sous le nom de Grandine il Vento. Mais dans cette nouvelle version-là, il y a un peu plus de pièces. Sans trop de surprise, l'album est dédié à Michael Dunford, qui est décédé au cours des derniers mois. Et c'est je pense, une grande perte là, pour la musique progressive. Pas qu'il est un musicien exceptionnel, mais les pièces qu'il a composées, il y a beaucoup de classiques là-dedans. Ce sera suivi du très bon groupe italien Taproban. Taproban, probablement qu'on. Et une surprise que j'ai découvert sur le CD de la convention Progressis, c'est un groupe qui s'appelle Narcotique d'Aphrodile. Et c'est assez intéressant. On va entendre ça en fin de bloc. On commence tout de suite avec Renaissance. Told. visionary world, chariots unfurl, change of plans, radiant scenes on the hold. Water is to life, fingers to the sky, signs that say we'll

qui a passé à la convention progressiste au cours du mois d'avril. Et c'est un groupe un petit peu bizarre comme ça, là, mais moi, je trouve ça assez intéressant et c'est disponible sur la compilation qui vient avec le magazine. Et juste avant, c'était Taproban de leur album Strigma. Et juste avant Renaissance. Et je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site de CKRL et la setlist aussi est disponible. Disons ça devrait aller vers la fin de la journée demain. Et on débute ce troisième bloc avec Black Noodle Project et un disque qui s'appelle Ghost and Memories. Et moi, j'ai été assez surpris d'entendre ça. Ça aussi, c'est disponible sur la compilation. Mais j'avais un disque qui est paru il y a peut-être 3 ans et j'en avais fait jouer des extraits. Il y avait des très bonnes pièces, puis il y en a d'autres que je trouvais un petit peu plus ordinaires. Mais la pièce qu'on va entendre, Purple Memory, il me semble que c'est d'un autre niveau. Et j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. Et ce sera suivi de Camel, de Snow Goose. Ben, pourquoi on parle de Camel? Parce qu'il vient de sortir un beau DVD, c'est très très bien enregistré, qui s'appelle In From the Cold. Et sur ce qu'il appelle le premier set, c'est de Snow Goose au complet. On sait que c'était la tournée de Snow Goose qui était honorée. Là, puis, mais il y a un deuxième set qui est aussi très intéressant avec une version qui débute de façon acoustique de Never Let Go. Ensuite, il y a Song Within the Song, Echoes, The Hour Candle, Tell Me, Watching the Bobbins, Fox Hill for Today, et finalement Lady Fantasy. Donc, il y a des classiques, mais aussi des pièces, des albums beaucoup plus récents. Et pour revenir à Camel et de Snow Goose, dans le magazine Progressist, la dernière version, ben on en parle de ce disque-là, et on parle d'Andy Latimer, qui a affronté la maladie. D'ailleurs, sur le DVD, on voit que Andy a vieilli un peu aussi, les cheveux blancs, mais on voit qu'il a toujours le même enthousiasme, même si on sent qu'il est encore pris un petit peu par la maladie, même s'il l'a vaincu. Donc, on va entendre de Camel une pièce qui s'appelle « La princesse perdue ». Et finalement, ce bloc va se terminer par Gaspacho de leur dernier album « Demon ». Thank you. smile in spite of who the fly. Release the trap before the try. Just an orphan line doesn't read much of the manuscript lies. Fragments of presence. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Attention, ceci n'est pas un bar. Votre coopérative de solidarité, l'Agité, est la place en ville qui vous propose à la fois des activités sociales et culturelles, des spectacles ainsi qu'une terrasse flambant neuve. Un milieu alternatif, un milieu éthique et éthylique, l'Agité est engagée dans son milieu. Suivez-nous sur agité.org en vous abonnant à notre bulletin mensuel ou sur Facebook. Ouvert du lundi au dimanche entre 15h et 3h. L'Agité, 255 rue Dorchester. Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et Chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Bell dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. Et nous sommes de retour après un petit changement de programme, disons. Petit problème avec le disque de Black Noodle Project, Ghost and Memory. Le lecteur n'en voulait pas, c'est des choses qui arrivent. Il a fallu se revirer rapidement. Et dans l'ordre, on a entendu Camel avec Princesse perdue. Gaspacho avec la pièce I've Been Walking Part 1. Et Gaspacho, c'est toujours un petit peu mélancolique, mais celui-là, cet album-là qui s'appelle Demon, je pense qu'il l'est encore plus. Et, c'est assez représentatif de ce qu'est ce disque-là. Et c'est quatre pièces seulement, quatre longues pièces. Et on a poursuivi avec Carpet de leur album Illusion Pleasure. On a entendu Man Changing the Atoms. Et je pense qu'à ce moment-ci, on peut parler un peu des poules de 2013 qui commencent à apparaître. Et nos amis belges de Progressis, il n'y a pas des très grosses surprises. Je pense qu'on s'attendait à voir ça tel que c'est là. Le premier, et c'est d'ailleurs la même chose dans Big Bang, c'est Steven Wilson avec The Raven That Refused to Sing. C'est pas une très grosse surprise. Steven Wilson fait toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. En deuxième position de Progressis, Days Between Stations, c'est sûrement Michel qui serait heureux d'entendre ça. Quand cet album-là est sorti, il me présentait ça comme un des disques qu'on retrouverait dans toutes les poules. Ben, Michel avait bien vu. En troisième, Not a Good Sign, encore là, pas beaucoup de surprises. Marillion avec Sounds That Can Be Made. Et en cinquième, moi je suis assez content de ce choix-là, Amplifier avec Echo Street. J'en avais mis des extraits, c'est un disque que je trouve très bien. La sixième, Hypnosis, ça c'est un disque qui est plus rare un peu. Big Big Train, encore là, c'est intéressant. Mystery de Montréal avec The World is a Game, quand même content d'avoir une reconnaissance de l'autre côté de l'Atlantique. Spock's Beard avec Brief Nocturne. Et finalement, Sound of Contact, qui était à Québec cette semaine. Malheureusement, moi j'étais prêt ailleurs, donc j'ai pas pu voir Sound of Contact. J'en ai pas eu d'écho non plus. Je ne sais pas si c'est un concert qui s'est bien déroulé, si ça a été apprécié. Si vous en avez eu des échos, ben il n'y a pas de gêne, vous pouvez partager ça avec nous. Et pour ce dernier bloc, on est déjà rendu là, on va y aller avec une nouveauté qui se fait rare parce que c'est importé du Japon. On se demande un petit peu pourquoi. Ben, c'est le groupe belge Univers Zéro qui vient de faire paraître un disque qui s'appelle Phosphorescent Dreams. Et c'est disponible seulement qu'en importation japonaise, encore une fois. Il y a un beau petit livret dedans, tout écrit en japonais. Mais pourtant, quand on regarde le disque, il semble avoir été fait en Europe. Je cherche à comprendre. Et c'est une belle petite surprise que j'ai eue comme ça. C'est ma femme qui a décidé de me faire une petite surprise. Elle sait que j'aime bien Univers Zéro. Je suppose qu'elle a dégoté ça, mais c'est quand même assez rare. Et on va entendre une pièce en fait qui rouvre cet album-là, qui s'appelle Shaking Hat. Et Univers Zéro, il y a des explications à l'intérieur, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est en français. Puis ça dit que Univers Zéro, ben, il voulait changer de son. Puis le personnel a été changé aussi pas mal. Il y a plus de guitares. Mais on retrouve, tant qu'à moi, pas mal le son de Univers Zéro, quoique c'est peut-être un petit peu plus accessible, là, mais c'est pas la révolution qu'on pourrait s'attendre quand on lit les notes du leader Daniel Denis. Enfin, vous ferez votre idée par vous autres-mêmes. En deuxième, on va écouter Lost Kite avec un album qui s'appelle Tout. J'imagine que c'est leur deuxième, la pièce organique. Ça se laisse désirer, Lost Kite. La première fois que j'ai entendu ça, j'avais de la misère à trouver de l'intérêt à ça. Puis j'ai pris le temps de l'écouter comme il faut. Puis franchement, cette pièce-là, elle sonne drôlement bien. Donc on va y aller avec Univers Zéro et ce sera suivi de Lost Kite. Thank you. Thank you. Lost Kite avec la pièce organique extraite de l'album Two du groupe Lost Kite. Et c'est déjà presque tout pour nous. Il reste juste une pièce et je vous remercie d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine. Mais en attendant, Bruno et Jean-François vous souhaitent une très bonne semaine et restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane qui est dangereusement en forme ce soir. Et on se quitte sur Fabio Zuffanti qui sera à la convention Terra Incognita. Donc soyez au rendez-vous et là-dessus, bonne semaine. Il ponte una mano